Chapitre 21. Marthe et Thécla entrèrent bientôt. Le cœur leur battait très fort, mais elles semblaient impassibles. Marthe, sentant que la grande bataille allait se livrer, avait repris son courage et se tenait toute droite, prête à défendre son enfant s'il en était besoin. « Je suis charmée de vous voir, mesdames, » dit la comtesse avec beaucoup de bonne grâce. Sa mauvaise pensée de tout à l'heure lui avait laissé un remords, et elle avait à cœur de se réconcilier avec elle-même. Et puis au fond, qu'importait que Xavier épousât cet enfant ou une autre? Il n'en était pas moins le comte Stanitsky, et cette petite avait vraiment bonne façon. Cela ferait une bien jolie comtesse, après tout. On s'assit. La conversation languissait. Le thé, servi avec un luxe inénarrable de friandises, ne pouvait dissiper la contrainte. La comtesse prit une grande résolution. « Madame, dit-elle en s'adressant à Marthe, mon neveu souhaite épouser mademoiselle votre fille, et m'a demandé mon consentement. » Marthe s'inclina légèrement en avant. Thécla, immobile, toute rose sous l'effort qu'elle faisait pour rester calme, se tenait la tête baissée, malgré le magnétisme des yeux de Xavier, qui eût donné bien des choses pour obtenir d'elle un regard en ce moment solennel. Après avoir mûrement réfléchi, d'après les sentiments que m'a exprimé mon neveu, d'après l'estime que vous avez su inspirer, mesdames, je ne suis pas éloigné d'accorder le consentement demandé. Thécla fit un mouvement brusque, comme si elle eût reçu une secousse électrique, et ses beaux yeux bleus, débordant de larmes reconnaissantes, se fixèrent sur la comtesse, qui s'en aperçut fort bien et qui continua en s'adressant à la mère. « Seulement, madame, n'êtes-vous pas d'accord avec moi pour trouver que ces enfants sont vraiment trop jeunes pour se marier déjà ?»« C'est ce que j'ai dit au comte Xavier, lorsqu'il nous a honoré de sa demande, » répondit Marthe, en levant les yeux sur sa noble interlocutrice. « Le comte n'a pas 20 ans. » Et s'il aime ma fille aujourd'hui, comme il le dit et comme je le crois, plus tard il pourrait nous reprocher d'avoir abusé de sa jeunesse et de son inexpérience. Xavier allait se fâcher tout rouge. Il ne pouvait souffrir que l'on fît allusion à sa grande jeunesse. Tout ce qui se rapportait à son âge lui semblait une insulte. « Vraiment, madame, reprit la comtesse en le contenant du geste, vous parlez tout à fait sagement, et je suis ravi de vous trouver de bons sentiments. » « Ne pensez-vous pas qu'il serait inopportun de marier ces jeunes gens avant 2 années écoulées ?»« Je le pense, » répondit Marthe. Mais personne n'entendit sa réponse. Xavier avait bondi, et debout au milieu du boudoir, sans égard pour le thé qu'il menaçait de la plus complète des confitures, il exprimait du geste et de la voix l'indignation que lui causait une proposition aussi saugrenue. Quand il fut fatigué, et ce ne fut pas long, il dut pourtant se rasseoir et se taire. Alors la comtesse, reprenant l'entretien où elle l'avait laissé, s'adressa à Marthe, dont le bon sens lui paraissait désormais indiscutable. « Je pense donc, dit-elle, que 2 années d'attente sont nécessaires. Mais pendant ce temps, mesdames, il est impossible que vous viviez sous le même toit que mon neveu. »« Alors, s'écria Xavier, autant me fusiller tout de suite. » « Voici ce que je propose, » continua l'imperturbable comtesse. « Mon neveu partira pour l'étranger. Il a nombre de choses à apprendre, notamment la vie, dont il ignore le premier mot. Il y terminera son éducation de gentilhomme et de propriétaire. Oui, Xavier, de propriétaire. Et ce n'est pas ici que tu t'instruirais grâce à tes intendants. Et dans 2 années, à pareille époque, s'il est encore dans les mêmes dispositions et si mademoiselle Thécla n'a pas changé d'avis. » Thécla partagea entre la comtesse et Xavier un regard qui valait mieux qu'une promesse. Nous procéderons au mariage, conclut la noble dame. J'accepte, dit Marthe avec simplicité. Xavier, trop épuisé pour protester, garda un silence rageur. « En attendant, comme vous ne pouvez pas rester ici en l'absence du jeune comte, souffrez, mesdames, que je vous offre l'hospitalité. » Marthe ouvrit de grands yeux. C'était donc vrai. Cette noble dame la traitait d'égal à égal, on lui offrait l'hospitalité. 1000 sentiments nouveaux et confus montèrent de son cœur à ses lèvres, mais elle ne put les exprimer, et cela valut mieux d'ailleurs. Pendant que les deux dames arrangeaient ensemble les détails d'un tel plan, Thécla s'était levée tout doucement et s'était glissée auprès de Xavier, toujours morose. Comme il se tenait les yeux fermés, elle posa sa petite main fine sur celle du jeune homme qui la saisit sans ouvrir les yeux. « Pour toute la vie, » lui dit-elle, si bas qu'il fut seul à l'entendre. « Dans 2 ans, » répondit-il d'un ton boudeur. « Oui, mais pour toute la vie, » répéta la jeune fille. En sa qualité de femme, elle voyait surtout la durée de son bonheur. Lui, en sa qualité d'homme, n'en sentait maintenant que l'éloignement. Il faut croire cependant qu'ils finirent par s'entendre, car lorsque les deux dames, ayant conclu leurs arrangements, se retournèrent vers eux, ils causaient très doucement et très bas. Xavier tenait toujours la main de Thécla et peu à peu s'était relevé de façon que sa tête posa sur l'épaule de la jeune fille. Pauvre garçon, si malade et si malheureux. 2 ans d'attente. Il eût été cruel de le déranger, alors qu'il se trouvait si bien. Les femmes échangèrent un sourire qui, plus que tout le reste, acheva de faire de Marthe la belle-mère future du comte Xavier. Puis la comtesse s'approcha de Thécla, qui s'était levée, et lui mit un baiser au front. « C'est entendu, » dit la bonne dame, que ce jeune bonheur réjouissait, malgré la réserve de son maintien. « Vous et votre mère, mon enfant, vous viendrez avec moi quand je m'en retournerai, dans 8 jours, et Xavier, qui se portera alors à merveille, partira pour l'étranger où il y passera ses 2 années de stage. « Sans revenir, » grommela le jeune homme, « ce sera vraiment digne du reste. »« Nous verrons, » dit la comtesse, qui ne put s'empêcher de sourire. C'était une femme de tête, et ce qu'elle avait résolu s'accomplit. Aujourd'hui, elle emmena Marthe et sa fille, pendant que Xavier, bien muni d'argent, partait pour l'Italie, dans la berline monumentale des Stanitsky. À son extrême désappointement, Saba avait refusé de le suivre. « C'est bon pour des maîtres, » avait-il dit, « d'aller dans ces pays de païens, dont on ne comprend pas la langue. Moi, je suis trop vieux, pour me faire aux manières de ces valets de chambre étrangers. Je suis bon pour rester ici, comme un vieux chien de garde, et j'aurai l'œil sur les intendants. » Xavier partit donc seul, après 1000 promesses, 1000 discours, tels qu'en échange des amants séparés, qui sont sûrs de se revoir et de s'épouser dans un avenir prochain. « 2 ans, » avait-il dit à Thécla en la quittant. « Jamais de la vie. C'est ma tante qui me rappellera, vous verrez. » Et après avoir choisi une étoile pour la regarder à la même heure, suivant la ridicule et touchante coutume des amoureux de tous les temps, ils s'en allèrent, l'un vers le nord, l'autre vers le midi.